Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Mes très chers messieurs, mes bien chères dames, notre très cher monsieur m'a demandé de vous parler de mon quotidien depuis le début de la pandémie. Par amitié pour lui, j'ai accepté volontiers. À dire vrai, il n'a pas changé tant que ça mon quotidien. Sauf pour les précautions que je prends avant de partir de chez moi pour me protéger. Ainsi que d'éventuels convertis. En plus de mon béret et de mon foulard, j'ai ajouté à mon habillement des lunettes de ski pour protéger mes yeux, ainsi qu'un masque à gaz que j'ai hérité de mon grand-oncle Thomas, vétéran de la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre, comme il disait. L'attirail était un brin encombrant. Puis il est chaud en été. Mais, ainsi pourvu, je peux affronter tous les virus du monde. J'ai noté, depuis le mois de mars 2020, que davantage de portes restent fermées quand j'y cogne. Les gens ont peur. Ceux qui ouvrent et qui acceptent de m'écouter ont du mal à me comprendre à cause du masque à gaz. On m'a fait remarquer plus d'une fois que je sonnais comme Dark Vador. On m'a dit que c'était un méchant dans un film. Quand j'ai entendu ça, j'étais pas très content. C'est pas très plaisant de se faire comparer à un méchant. Pas même un méchant de film. Surtout pour un témoin de Malvina qui n'aspire qu'à la très sainte sainteté. Je trouve dommage que les gens n'ouvrent pas leurs portes pour entendre le message de Malvina. C'est pourtant maintenant, là, qu'ils en auraient vraiment besoin. Il est rempli d'espoir, de roc auquel s'accrocher afin de cesser d'être ballotté par la tourmente. Moi, je prie. Je prie beaucoup, beaucoup. Tout au long de la route, de porte en porte, je prie pour ma famille, mes amis, pour les gens qui se terrent derrière les portes closes, pour les dirigeants, pour le monde entier. Comme les gens n'ouvrent pas et que les rares qui m'ouvrent ne me comprennent pas, il me reste juste ça, la prière. J'ai trouvé un gros avantage à porter le masque à gaz. Il n'y a plus de danger de recevoir une porte en pleine poire. Ah, c'est une grosse économie de dentiste, ça, vous savez. Allez, je vous laisse, là. Je dois aller continuer ma tournée.